cœur est toi, pitié. Ta beauté, ta façon d'être, me donne envie de te chouchouter. Papi kake, tanganya, songanara mukaka nekla, ya mokombo na yo. Maye sale makana kuku, eloba makate. Salaka sukali kama Otonda boboto na nzoto Vosali mi balete Awana mokili L'empereur Chacho Mala Kashogi Chibin Chibasu Motema ya Paola Chibasu Nuit et jour je pense à toi Je suis malade Ote singa le supérieur Toute la nuit je ne songe qu'à toi Ta beauté, ta façon d'être, me donne envie de te dorloter. Jean-Pierre Lukusa. Pour me foudre, ton gagne, son gagne, la mouka canekla, ya mon kongona, ya mon kongona. Maye sale ma kana kuku, nilo ma makate, sinon mon kili e kuku. Foko Shango. Samba ke la yo, na biloko ya motel mosusu Na kuma bindo bela, pa promesse pamba pamba Na kusumbe la yo avion, motu kato holo pango Papi Kake, my food re one you Adida piese, hein Incomparable Yahweh a kera yo Différent Lolenge a banjenu Gana wio Nakukate na zanga yo Papi kake Na sanga yo papi kake Yanga na yo ebanda kilokola lesano Kutani na tela To solo liye rodage enta de marage To langwani a la folie Bato baka mwembo Papi kake yo tonga Marwa kumwa kupe asi Santos incomparable Noéla Badadino Yahweh a kera yo différent Lolenge a banjenu Gana wio Nakukate na sanga yo Papi kake Paul Kalamba Luigi Pamba Motema Natali Mon Atlanta Yansa Miko Ngengaka Paunite Nzaza peso ki efani na moi Angope e Ngengaka Pika ke ye ba e Matata yanga na yona linga ka e suka na ndoto Na tongo tango nga na kola muka na mona lope nenanga Le grand prophète Noé Masika Tenda Jacques Mama Odia Francisca, tonton Korobise Geni Wara, mon colonel Abiana Kibotense Président bienvenu Matenda, Godé Muntu Koko Ruben la Rubenche, Odinon Tanto, Papi Bonjala, Omar Kake Excellence Alain Akwala et Honorable Gaïtan Kodia depuis Ponto Label. Excellence Youssoundour, Sénégal. Alain Kassongo, le titan de Nantes. Yvan Moussongo et Claudine. Joseph Profa qui s'y prévient. Laleli, Doudoumbala Koloba Pièce. Papi Kakeyon Tonga, Paralelo. Trésor Chango Nzola Kisombe Poli Monanga Papi Eric Lusapueno Abazakayo Kate Edo Ntsonsa Aifute Nanga Chéri Eyo Kachala Jeno Mango Ya ya ya Bilo Kake Jeno Mango Wane Tua Jitunga Papa Na Aisha Kake Noko Didier Emoa Arsène Difuidi et dit Londona, Bino Makango. Ah, Bana London. Tupi Kaluji, Ige Mukeza, Todem Benta.